une voie de sortie. Amélie ne se reconnaissait plus. Plongée dans les ténèbres, submergée dans le bain tourbillon, elle savourait la caresse de l'eau chaude sur sa peau, la sensation huileuse et l'odeur parfumée, les bulles filant indiscrètement le long de son dos jusqu'à ses hanches, ses côtes. Suspendue dans le temps, elle reposait, découvrant l'étrangeté du plaisir évanescent d'une respiration à l'autre. Les soubresauts de la jouissance quittaient son ventre peu à peu, les vaguelettes exquises retraitant doucement au fil de ses muscles. Du bout des doigts, elle parcourait distraitement la surface de sa peau inondée, traçant la carte de ses blessures, décelant ça et là une autre cicatrice, une autre ecchymose. Plus aucune trace de duloxétine dans le système. Elle avait perdu du poids. Ce corps était certainement le sien, mais ses souvenirs, impossibles à concevoir, à travers les effluves d'alcool, ses images, ses visages, le ciel d'azur du salar d'Uyuni, tous ces cadavres calcinés, le crâne défoncé de cet anarchiste, boulevard Notre-Dame, le sourire de William Saint-Onge, ses félicitations pour avoir capturé une terroriste du M9A. Les honneurs. Première officière, Amélie Lacroix. Buzz. Soudainement, le bruit de son portable vint briser la tranquillité. Le cellulaire reposait sur la tuile de céramique, entre une bouteille de vin blanc, vide, son vibrateur et le pistolet 9 mm. Amélie savait que c'était Jonathan. Il n'arrêtait plus de téléphoner. C'était du harcèlement. Il y aurait des conséquences, elle l'avait averti. Rien qu'un problème de plus, facile à gérer. Une idée statique parmi tant d'autres. Comme cette notion lointaine selon laquelle Amélie possédait la maison maintenant, tout cet espace, cette liberté. Accessoire superflu, puisqu'elle emménagerait bientôt à l'arcologie pour commencer sa nouvelle vie. Fini les voisins stupides et leurs histoires de pelouse. Fini Jonathan et ses yeux de chien battu. Question de temps. Ce n'était pas qu'elle fût incapable de concevoir les étapes, les gestes à poser, la procédure. La déconnexion était émotionnelle, entravant sa capacité à entrevoir le changement dans toutes ses dimensions. La voix était embrouillée. Dans les ténèbres, c'était le visage tordu, le sourire putréfié qui lorgnait Amélie sans cesse, alors même qu'elle gisait nue dans son bain. « Il ne reste plus que des monstres », avait dit la terroriste du M9A. Mais ce n'était pas la terreur qui envahissait Amélie, ni même le dégoût. Au contraire, c'était une tristesse réelle, tangible et claire. Le fait qu'elle aurait préféré aider cette femme, la prendre dans ses bras, la protéger, lui dire que tout irait bien. La constatation mordante qu'Amélie avait fait exactement l'inverse. Elle l'avait menottée, condamnée à finir sa vie derrière les barreaux, comme un animal. Une victime punie pour avoir tenté de se défendre. Amélie avait vu sa propre souffrance reflétée dans les yeux de cette femme, un fil tangible, quelque part entre deux vies radicalement différentes. Et c'est alors qu'une évidence, toute petite au début, puis de plus en plus imposante, s'était dessinée. Le conflit n'aura jamais de fin. Buzz, buzz. Le portable, encore une fois, inlassable. Infatigable. Buzz. Cul-de-sac. La terroriste du M9A avait raison. Le conflit n'aura jamais de fin. Amélie ne pouvait rien y faire. Elle pouvait démissionner ou déménager ou s'ouvrir les veines. Mais rien ne changerait. Jamais. Certes, elle pouvait détester, déverser tout son fiel et sa bile, se complaire dans la haine des pauvres et même des riches. Ça ne suffirait pas non plus. En fin de compte, elle serait toujours seule. 10 000 assassins étaient prêts à prendre sa place. le résultat serait le même. Même si, par quelque miracle, Amélie réussissait à écraser tous les anarchistes, la pensée que les gens de l'archéologie pouvaient vraiment l'accepter semblait tout à coup horriblement saugrenue. Ces personnes parfaites ne pourraient jamais la comprendre, l'accepter telle qu'elle était. Il était trop tard. Ne pouvant pas laver tout ce sang, il faudrait se résigner à faire semblant. Encore, prétendre être quelqu'un d'autre avec un passé différent. Se forcer à sourire. Encore des mensonges, encore de la peine, encore des médicaments. En fin de compte, il restait le 9 mm juste là. Sa proximité rassurante, sa familiarité, ce manche moulé pour sa main, le canon froid, efficace. Une voie de sortie. Lorsqu'un autre vrompissement se fit entendre, Amélie crut d'abord que le bain tourbillon faisait des ratés. Mais en émergeant sa tête de l'eau, elle réalisa que le bruit venait de l'extérieur de la maison, une puissante réverbération, comme une tornade. Amélie se précipita en dehors du bain tourbillon, ruisselante d'eau parfumée. Étourdie par la vitesse et le vent, elle dut s'appuyer au mur pour actionner l'éclairage. En moins d'une minute, elle avait enfilé une robe de chambre en ratine, agrippé son pistolet et déambulé en longeant les murs tandis que les halogènes suivaient sa progression. La maison autrefois propre et ordonnée était maintenant à l'envers. Valises éventrées, les morceaux de linge de Jonathan pêle-mêle, des pièces d'armure tachées de sang gisant çà et là. Franchissant le bordel, Amélie se remémora en vitesse accélérée, sa vie en lambeaux. Une fois au rez-de-chaussée, elle dut plisser les yeux pour endurer la lumière des phares qui illuminaient à travers les rideaux entr'ouverts. Le bruit était insoutenable. Amélie jeta quelques jurons inaudibles en ouvrant la porte, pistolet au poing. Dans la lumière aveuglante, une tache noire, impénétrable. Un hélicoptère militaire posé là, sur la pelouse. Imposant avec son blindage de jet, lisse et aérodynamique, ses cracheuses rotatives, le logo de la HopeSec. Ses hélices puissantes battaient à tout rompre, écrasant le gazon, balayant les pétunias et envoyant des pétales roses virevolter à travers la banlieue fortifiée de Belœil.